Chapitre 13. Aigres adieux des deux amis. Madame de Saint-Aymar fut surprise du prompt retour de Mademoiselle Primrose, qui en général prolongeait ses visites jusqu'à l'heure du dîner quand elle allait à Plaisance. Madame de Saint-Aymar. Comment, déjà de retour, Cunégonde? Je ne t'espérais pas de si tôt. Mademoiselle Primrose. Je ne resterai pas longtemps, monsieur Dormer m'attend. Madame de Saint-Aymar. Est-ce que tu ne viens pas de chez lui? Mademoiselle Primrose. Certainement, puisque voici sa nièce que j'amène. Mais je viens chercher ma malle et ma femme de chambre. Madame de Saint-Aymar, étonnée. Pourquoi cela? Pour aller où? Mademoiselle Primrose. Pour aller passer une quinzaine de jours chez mon pauvre cousin, qui est tout seul et qui meurt d'ennui. Madame de Saint-Aymar. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Mademoiselle Primrose. Je n'en savais rien. C'est en le voyant l'œil morne et la tête baissée que j'ai eu l'idée de l'égayer en lui tenant compagnie. Voilà tout. Je laisse Geneviève aux enfants. Je monte pour faire ma malle, prévenir Azéma, et nous partons. Madame de Saint-Aymar, un peu surprise, mena Geneviève chez les enfants. Mademoiselle Primrose bousculait Azéma pour aller plus vite. Mademoiselle Primrose. Allons donc, Azéma, dépêchez-vous. Vous êtes d'une lenteur désespérante. Azéma. Mademoiselle emporte-t-elle ses belles robes de soie? Mademoiselle Primrose. Certainement, et les chapeaux, et les coiffures, et les chaussures, et les manteaux de toute saison. Vite, vite, Azéma, vous allez comme une tortue. Allons, voilà qu'elle marche de côté comme un crabe. Mais nous n'en finirons pas, ma chère. Azéma. Je fais ce que je peux, mademoiselle. Je suis en nage à force de me dépêcher. Mademoiselle Primrose. Plus vite encore. Mes livres, mon papier, mon buvard, mes tapisseries, mes crayons, mes couleurs, mes pinceaux. Fourre tout cela dans la malle, et vivement. Azéma. Mais mademoiselle jette tout sur les mantelets, les fichus. Tout va être écrasé, chiffonné à ne pas pouvoir servir. Mademoiselle Primrose. Pas du tout, il n'y a pas loin à aller. Il n'est pas nécessaire d'emballer comme pour un voyage en Chine. Mettez, mettez toujours. À force d'entasser robes, chaussures, livres, papier, parfumerie, etc., la caisse se trouva pleine. Il restait encore une foule d'objets. Azéma. Tout est plein, mademoiselle, et il reste encore bien des choses à emballer. Linge, coiffure, statuettes, etc. Mademoiselle Primrose. Eh bien, allez me chercher une seconde malle ou caisse, cela m'est égal. Allez vite. Azéma sortit et rentra en courant, entraînant après elle une autre caisse aussi grande que la première. Mademoiselle Primrose. C'est bien. Voici encore quelques effets. Vous aviez oublié mes robes de chambre, mes boîtes de bijoux, ma toilette de voyage, mes boîtes de couleurs. Mettez les boîtes au fond. Azéma. Mademoiselle emporte tout ce qu'elle a apporté pour l'été et l'automne. Il me semble que pour 15 jours. Mademoiselle Primrose. Est-ce que je sais le temps que je passerai là-bas? Peut-être y resterai-je 3 mois, 6 mois. Cela dépendra du bien que je pourrai faire à la pauvre petite et à mon cousin qui est si seul. Là, à présent, appelez du monde pour descendre mes caisses. Azéma. Mademoiselle me permettra de faire ma caisse avant de partir. Mademoiselle Primrose. Certainement, je vous donne 10 minutes. Azéma. Comment mademoiselle veut-elle que j'aie tout fini dans 10 minutes? Mademoiselle Primrose. Vous croyez? Eh bien, je vous donne un quart d'heure, pas une minute de plus. Azéma sortit en levant les épaules et en se disant « Je ne serai pas prête avant 1 heure d'ici, il faudra bien qu'elle attende. » Quand Mademoiselle Primrose descendit pour faire ses adieux à son amie, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de demander la voiture. Mademoiselle Primrose. « Comment, Cornélie, tu n'as pas fait atteler ?» Madame de Saint-Aymar. « Mais non, tu ne m'as rien dit. Je croyais que tu avais la calèche de Monsieur Dormer. » Mademoiselle Primrose. « Pas du tout, je suis venue à pied. Faites atteler bien vite. Tu aurais bien pu me demander si j'avais besoin de la voiture. Il était clair que je n'emporterais pas mes malles sur mon dos. Tu es toujours comme cela, tu ne penses à rien. » Madame de Saint-Aymar. « Et toi, tu disposes de tout comme si tu étais chez toi. Tu mets le désordre dans toute la maison. » Mademoiselle Primrose. « Puisque c'est ainsi, je suis bien aise de ne plus y être. » Madame de Saint-Aymar. « Ce sera un repos pour moi, car tu brouilles tout et partout. » Mademoiselle Primrose. « Je te remercie du compliment. Je ne le mériterai pas de si tôt, J'ai tout emporté pour m'établir confortablement chez mon cousin Dormer, qui est plus gracieux que toi. » Madame de Saint-Aymard. « Je t'en félicite, mais je plains le pauvre monsieur Dormer. » Mademoiselle Primrose. « Que tu es aimable, gracieuse, charmante. » Madame de Saint-Aymard. « Je suis sincère, voilà tout. Adieu, Cunégonde. » Mademoiselle Primrose. « Adieu, Cornélie, et pour longtemps, Madame de Saint-Aymard. » « Comme tu voudras. » Madame de Saint-Aymard entra dans l'appartement pendant que Mademoiselle Primrose courait à l'écurie pour presser le cocher. Mademoiselle Primrose. « Comment, Félix, pas encore attelé? C'est odieux d'attendre si longtemps. » Le cocher. « Je fais de mon mieux, mademoiselle, mais il y a à peine un quart d'heure qu'on m'a prévenu. Ma voiture était à moitié lavée, je n'étais pas habillée, mes chevaux n'avaient pas fini de manger, ils n'avaient pas encore bu. Ce n'est pas trop d'une heure pour tout cela. » Mademoiselle Primrose. « Ah, mon Dieu, que d'embarras pour faire une course de 20 minutes à peine. Dépêchez-vous, mon cher, allez plus vivement. Vous êtes d'un gnan-gnan insoutenable. Je reviens dans un quart d'heure. Il faut que les chevaux soient attelés. » « il faut, murmura le cocher mécontent. Je n'irai pas me tuer ni atteler tout de travers pour satisfaire ses caprices, bien sûr. Elle attendra, voilà tout. » Mademoiselle Primrose appela sa femme de chambre. « Azéma, Azéma !»« Mademoiselle ?» répondit Azéma, passant la tête hors d'une fenêtre du second. « Mademoiselle Primrose. » « Mes malles ne sont pas descendues, où sont-elles ?»« Chez mademoiselle, je finis la mienne. Je descends dans l'instant. » Mademoiselle Primrose. « Mais dépêchez-vous donc. C'est affreux de me faire attendre si longtemps. » Enfin, les malles furent terminées, descendues, la voiture fut avancée. On fit cela les malles. Mademoiselle Primrose, oubliant Geneviève, monta dans la voiture encombrée de paquets. Azéma se plaça à côté du cocher, avec une boîte sous ses pieds, un ballot sur ses genoux, un coussin sous son bras. Ils se mirent en route pour Plaisance. M. Dormer reçut Mademoiselle Primrose à son arrivée. « Et Geneviève ? » dit-il. « Geneviève ! » s'écria Mademoiselle Primrose. « Je l'ai oubliée. Elle joue avec les enfants. » M. Dormer, étonné et un peu mécontent, appela Pélagie et Rame, et s'adressant au cocher qui aidait à décharger les malles. « Attendez un instant, je vous en prie, vous emmènerez Pélagie et Rame qui ramèneront Geneviève à pied. » Et il lui glissa une pièce de 5 francs dans la main. Le cocher ôta son chapeau et proposa de ramener Mademoiselle Geneviève en voiture. « Non merci, Félix, elle reviendra à pied, c'est si près par la traverse. » Les malles étaient déchargées, les domestiques les montèrent avec Azéma dans l'appartement de Mademoiselle Primrose, qui restait un peu confuse de son oubli. La voiture de Madame de Saint-Aymard était partie, emmenant Pélagie et Rame, indignée que sa petite maîtresse eût été oubliée. Monsieur Dormer. Entrez donc, ma cousine. Venez prendre possession de votre chambre. Mademoiselle Primrose. Mon cousin, je suis désolée, honteuse d'avoir oublié cette pauvre enfant. J'ai été si bousculée, si tourmentée à Saint-Aymard. Mon amie a été si disgracieuse que je ne savais où j'en étais. Je n'avais plus la tête à moi. Monsieur Dormer. N'y pensez plus, ma cousine, je vous en prie. Geneviève y aura gagné de passer une heure de plus avec ses amis et de faire une charmante petite promenade en compagnie de sa bonne et de son cher Rame. Elle n'est pas si à plaindre. Mademoiselle Primrose. Non, mais je n'en suis pas moins coupable. Oubliez votre nièce. Monsieur Dormer. Vous ne l'oublierez pas une autre fois. Monsieur Dormer prit le bras de Mademoiselle Primrose et la mena dans un joli appartement ayant vu sur la rivière et le parc. Il y avait un salon, une chambre à coucher avec cabinet de toilette, et une chambre pour la femme de chambre avec armoire à robes, à linge, et tout ce qu'il fallait pour serrer toute espèce de choses.